travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin. L'homme s'est intitulé roi de la création. Il y a même dans la Genèse un verset terrible disant que l'homme doit devenir un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Eh bien, c'est assez réussi. Vous êtes végétarien, je crois. Pas totalement, parce que je suis un homme illogique, mais je ne mange pas de viande, mais je mange encore des sauterelles. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, on peut y voir un signe des temps. Lors de l'épreuve de français du baccalauréat l'année dernière, dans les séries S et ES, les candidats ont été invités à défendre, en s'appuyant sur divers textes littéraires, le principe d'une déclaration solennelle des droits des animaux. Plus récemment, les élections européennes du mois de mai ont vu, à la surprise des observateurs, le tout neuf parti animaliste, qui a été fondé en 2016, obtenir 2,2% des suffrages exprimés, c'est-à-dire presque autant que le vénérable Parti communiste. Et cela sur le fond de tableau des protestations qui se multiplient et qui s'intensifient dans une partie de l'opinion contre notamment la chasse, la corrida, les vêtements en fourrure et les procédés barbares de certains abattoirs. Voilà bien un dossier qu'il nous fallait ouvrir sous la lumière du long terme, l'animal, la République et nous. Il va s'agir de considérer l'évolution des mentalités collectives dans ce domaine en braquant une attention spécifique sur le temps des Lumières et sur le tournant des années révolutionnaires, un moment autour duquel beaucoup de choses pivotèrent. Quant au XIXe siècle, celui de l'âge industriel, si il est vrai qu'une prise de conscience de la sensibilité animale y progresse sans aucun doute, et si s'y discernent quelques prodromes de l'écologie moderne, nous en verrons aussi les ambivalences. Les interrogations se retrouvent d'âge en âge. La question de la frontière entre l'homme et l'animal, la question de la responsabilité du premier dans les souffrances du second, la question de notre rôle dans la pérennité ou l'effondrement de la biodiversité. La question enfin des effets d'une cruauté spécifique envers les bêtes sur les brutalités de la société des humains qui se trouve de la sorte concernée tout entière. Pierre Cerna, mon invité, est professeur d'histoire de la Révolution française à l'Université de Paris 1 Sorbonne et il est membre de l'Institut universitaire de France. Il s'est emparé avec énergie et discernement de ce thème historiographique qui est riche en informations sur l'évolution des sensibilités collectives. Et pour commencer, Plutarque. L'usage de manger de la viande est, dit-on, fondé sur la nature. Mais si vous vous obstinez à soutenir qu'elle vous a fait pour manger la chair des animaux, égorgez-les donc vous-même. Je dis de vos propres mains, sans vous servir de coutelas, de massue ou de hache. Faites comme les loups, les ours et les lions qui tuent les animaux dont ils se nourrissent. Mordez, déchirez à belles dents ce bœuf, ce pourceau, cet agneau ou ce lièvre. Mettez-les en pièces et, comme ces bêtes féroces, dévorez-les tout vivants. Si pour les manger vous attendez qu'ils soient morts et que vous ayez horreur d'égorger un être vivant, pourquoi donc, outrageant la nature, vous nourrissez-vous d'un être animé? Pourquoi, après même qu'il est mort, ne le mangez-vous pas tel qu'il est? Il vous en faut transformer la chair par le feu, la faire bouillir ou rôtir, la dénaturer enfin par des assaisonnements et des drogues qui ôtent l'horreur du meurtre, afin que le goût, trompé par ses déguisements, ne rejette point une si étrange nourriture. Pierre Cerna, bonjour. C'était donc Plutarque. Ce texte s'intitule « S'il est loisible de manger la chair ». Traduction de l'époque moderne. Dans les trois traités sur les animaux, lu ici par Vincent Schmitt dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Culture le 7 juin 2016. Pour qui croirait que les soucis de protection des animaux seraient tout récents, voilà un démenti éclatant. J'aimerais vous dire que les animaux ont fait leur révolution avant 1789. Je veux dire par là que les textes de Plutarque, mais également d'Aristote, qui traite l'humain de zoon politikon, d'animal politique, sont très discutés entre 1750 et 1780. Platon aussi, Platon et Ovide ? Tout à fait. Et également Pythagore, qui est évidemment donc tout à fait discuté, et avec les premiers végétariens qui décident eux-mêmes de vivre selon ce qu'ils appellent le régime pythagoricien, c'est l'expression employée à l'époque pour dire que l'on est végétarien. Pourquoi les animaux ont-ils fait une révolution ? Eh bien tout simplement parce qu'il a fallu changer le statut de l'homme. C'est-à-dire que le grand débat des Lumières, c'est de ne plus faire de l'homme une étincelle divine, mais de faire de l'homme le premier des vivants naturels. Et donc l'homme, perdant son statut d'être divin, gagne son statut de premier animal. Cela lui donne des responsabilités, cela lui donne des devoirs, mais cela crée, vous le comprenez, une véritable révolution au niveau des élites et notamment ecclésiastiques qui comprennent que les Lumières viennent de provoquer une révolution intellectuelle en traitant l'homme d'animal. Cela concerne directement la question de la frontière par rapport à la tradition qui voulait qu'il y avait l'homme et puis d'autre part, avec un fossé absolu, le monde animal, voilà qui change. Et au fond, la controverse entre Linné et Buffon s'inscrit exactement dans cette cœur de cette interrogation. Le 18e siècle est un siècle de révolution scientifique. Qu'est-ce qui oppose Linné et Buffon ? Au fond, ce qui les oppose, c'est que les deux veulent trouver une hiérarchie du monde vivant. On est obsédé par l'arborescence au 18e siècle, par le schéma classificatoire, Foucault en a plus que parlé, et sur la hiérarchisation des espèces, des vivants, des mondes du minéral, du végétal et de l'animal. Linné est un polygéniste et pense, par exemple, qu'il y a des hommes à queue, qu'il y a des hommes géants, qu'il y a des hommes sylvestres, des hommes des bois et des hommes, évidemment, tout court. C'est donc l'homme d'une nomenclature. C'est exactement cela, la passion de la taxinomie, du classement, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'esprit des encyclopédistes, Diderot et d'Alembert. Et Buffon, alors Buffon ? Alors Buffon est vraiment un génie de son temps, car Buffon défend, lui, l'idée d'un monogénisme. C'est-à-dire qu'il pense, et cela va avoir des conséquences tout à fait importantes par rapport à l'égalité, qui va être la grande idée de la fin du siècle, il pense en fait que tous les hommes sont égaux et proviennent de la même origine et que seules les conditions de vie ou les conditions naturelles de climat ont pu les transformer. Donc pour Buffon, il n'existe qu'un homme avec un H majuscule et c'est tout à fait important donc, puisque dans sa nomenclature, il y a homme et immédiatement sous l'homme, il y a le singe. Évidemment. Mais justement, cette frontière-là est tout à fait passionnante à interroger parce que elle va être la grande interrogation du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal et plus particulièrement celui qui devient la star des sciences naturelles, car à l'époque on parle de sciences naturelles, celui qui devient la star des sciences naturelles à partir des années 1780, j'ai nommé Laurent Houtan. Ce qui veut dire d'ailleurs en indonésien, enfin dans langue locale, l'homme des bois. Tout à fait, car on se pose cette question de savoir mais d'où sort ce singe qui n'a pas de visage velu et surtout qui a un torse sans poils. Cela fascine bien évidemment les scientifiques qui élucubrent d'ailleurs plusieurs théories sur l'existence des Laurent Houtan. Vous parlez de l'invention d'un animal républicain. Avant d'y venir, il faut voir quel est l'héritage des Lumières. Et par exemple, celui de l'encyclopédie, et par exemple, celui de Voltaire. Alors, je vais vous faire entendre un texte fameux qui est le dialogue du chapon et de la poularde. Selon un procédé familier rhétorique de Voltaire, il se met dans la position du chapon et de la poularde qui s'entretiennent d'une façon qu'on peut dire assez piquante. C'est une interprétation de Jean-François Prévent au Théâtre de la Plaine qui avait été diffusée sur France Culture le 27 octobre 1979. Écoutez cette conversation assez spécifique de ces deux animaux-là qui parlent des hommes. C'est leur coutume. Ils nous mettent en prison pendant quelques jours, nous font avaler une pâté dont ils ont le secret, nous crèvent les yeux pour que nous n'ayons point de distraction. Enfin, le jour de la fête étant venu, on nous arrache les plumes, on nous coupe la gorge et on nous fait rôtir. On nous apporte alors devant eux dans une large pièce d'argent. Chacun dit de nous ce qu'il pense. On fait notre raison funèbre. L'un dit que nous sentons la noisette, l'autre vante notre chair succulente. On loue nos cuisses, nos bras, notre croupion. Et voilà notre histoire dans ce bas monde finie pour jamais. Quels abominables coquins! Figure-toi que dans le petit pays où nous vivons, il est défendu de nous manger un jour de la semaine. Ce jour-là, ils trouvent bien moyen d'éluder la loi. Ils vont chercher des victimes au fond des mers et des rivières. Ils appellent cela jeûner, se mortifier. Enfin, je ne pense pas qu'il soit possible d'imaginer une espèce plus ridicule, plus extravagante, plus abominable et plus sanguinaire. Et mon Dieu, ne vois-je pas venir ce vilain marmiton de cuisine avec son grand couteau? C'en est fait, mamie. Notre dernière heure est venue. Recommandons notre âme à Dieu. Que ne puis-je donner au scélérat qui me mangera une indigestion qui le fasse crever? Mais les petits se vengent des grands par de vains souhaits. Et les puissants s'en moquent. Nous sommes pourtant les parents des hommes. Avec les mêmes organes, les mêmes sentiments, la même mémoire. Le même germe inconnu d'entendement que ni eux ni nous ne passeront jamais. Croit-il donc que nous avons des sens pour ne point sentir? Une cervelle pour ne point penser? Aïe! On me prend par le cou. Pardonnons à nos ennemis. Je ne puis. On me serre. On m'emporte. Adieu, mon cher chéri. Adieu pour toute l'éternité, ma chère Poulard. Eh bien, qu'en pensez-vous, Pierre Cernat ? Une modernité sidérante dans ces textes-là qu'on pourrait lire encore aujourd'hui et qui pose finalement, quels que soient nos choix culinaires ou nos cultures culinaires, la question à laquelle nul d'entre nous ne peut échapper aujourd'hui et à laquelle chacun répondra selon sa sensibilité, mais quel droit avons-nous de manger des animaux? Et Voltaire le dit dans cette langue, j'allais dire succulente, je ne sais pas si le jeu de mots est facile ou mauvais, mais qui dit la modernité et l'extrême intérêt à lire les textes du XVIIIe siècle. Voltaire pose deux phénomènes et deux questions qui sont encore, de nos jours, parfaitement débattues et d'actualité. Un, la découverte de la sensibilité des animaux, dont le juriste s'est occupé très récemment, en 2015. Cette sensibilité des animaux, c'est un débat essentiel. Entre 1754 et 1756, l'abbé de Condillac fait paraître coup sur coup deux traités fondamentaux. Un, le traité des sensations, l'homme. On continue sur ce thème de la désacralisation de l'homme pour le rendre en fait une personnalité donc naturelle. L'homme est un agrégé de sensations qui deviennent de la mémoire, qui deviennent l'intelligence de l'homme. Immédiatement après, il écrit le traité des animaux, dans lequel il écrit que non seulement l'homme est un animal, mais c'est surtout un animal doué de sensations et de sensibilité. Et nous sommes au cœur de ce haut le cœur, pourrait-on dire, voltairien, qui ne supporte pas cette idée que l'on puisse tuer, brûler, manger les animaux. D'un point de vue philosophique, l'adversaire, c'est Descartes. Oui, c'est Descartes. L'animal-machine. Bien évidemment, Descartes, donc, dans l'animal machine, donc, développe cette idée, en fait, que les organes de l'animal sont, en fait, placés de telle sorte qu'il agit par réflexe, par instinct, et qu'il n'a aucune émotion et aucune sensibilité. La philosophe Véronique Leroux a montré que dans le combat à mort que se livrent la France et l'Angleterre au XVIIIe siècle, la philosophie cartésienne reste déjà une philosophie nationale et va être très prégnante. La politique est à tous les détours. Est à tous les détours et elle est même déjà européenne au XVIIIe siècle. Car dès les années 1750, je vous rappelle cette très belle série peinte par le peintre anglais Hogarth, les quatre âges de la cruauté, que l'on peut retrouver très facilement sur Internet. Vous en reproduisez certains dans votre livre, comme des bêtes, histoire oui. politique de l'animal en révolution. Oui, Hogarth va, les quatre images de Hogarth où on voit des enfants cruels, puis après des cochers cruels, puis après des malfaiteurs, et enfin un homme disséqué et dont les viscères sont mangés par un chien comme une sorte de justice, montre en réalité donc un monde cruel aux animaux. Et ces images, produites par un maçon anglais, par un peintre de génie, vont avoir un fond humaniste qui va extrêmement influencé toute la seconde moitié du XVIIIe siècle. On les retrouve même dans la France révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. Le même Voltaire est tout près de Condillac lorsqu'il dit qu'il est inconcevable qu'il n'y ait pas, il n'existe pas une sensibilité des animaux. Je vous donne cette brève citation de l'article Bête dans l'encyclopédie de Voltaire, lu ici par Élisabeth de Fontenay, qui est une philosophe qui a beaucoup réfléchi à ces questions. Des barbares saisissent ce chien qui l'emporte prodigieusement sur l'homme en amitié. Il le cloue sur une table, il le dissèque vivant pour te montrer les veines de son intestin. Tu découvres dans lui tous les mêmes organes de sentiment qui sont dans toi. Réponds-moi, machiniste, la nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu'il ne sente pas? A-t-il des nerfs pour être impassible? Ne suppose point cette impertinente contradiction dans la nature. C'est un passage tout à fait fascinant, merveilleusement bien lu par Élisabeth de Fontenay, grande spécialiste de la question des rapports entre les humains et les animaux. En fait, l'animal va devenir un élément de division au sein des Lumières. Parce qu'il ne faudrait pas classer les Lumières d'un côté les incroyants qui seraient pour les animaux et de l'autre côté les catholiques qui seraient contre les animaux. Rien ne serait plus faux, au contraire. Mais c'est vrai que quand on se rappelle Saint François d'Assise, par exemple, évidemment, qui aimait tellement citer l'Évangile selon Saint Marc, qui disait « Allez, par tout le monde, prêchez l'Évangile à toutes les créatures ». Et c'est Saint François d'Assise, on ne le sait pas toujours, qui a introduit, si je puis dire, l'âne et le bœuf dans la crèche. Tout à fait, et les Lumières chrétiennes, car elles ont été nombreuses, sont tout à fait sensibles aussi à cette question-là. Vous avez par exemple un homme comme l'abbé Grégoire, bien connu, ami des Noirs, ami des femmes, ami des Juifs, ami de tous les opprimés, pourrait-on dire. C'est pour ça que nous l'avons mis au Panthéon en 1989. Ça a été une excellente initiative. L'abbé Grégoire est très proche de cette question-là, justement, et incarne d'une certaine manière ce mouvement catholique qui s'offusque de la vivisection, car il est déjà question de refuser la vivisection. Mais de même, du côté des matérialistes et des philosophes, des hommes comme Lamétrie ou Diderot, par exemple, sont des gens qui sont carnassiers au nom justement, de fait de leur animalité. Comment ça ? Vous connaissez bien le syllogisme et la construction philosophique de Diderot. Je mange d'autant plus d'animaux que lorsque je serai mort, je serai mis en terre, les vers me mangeront, la poule mangera les vers, et d'autres hommes mangeront la poule, et ainsi je fais partie de l'univers. Et en mangeant des animaux, je ne détruis pas l'univers, au contraire, je participe en fait au grand tout, où tout le monde se mange et où tout le monde prospère, hommes et animaux. On est à l'opposé du Plutarque que je vous donnais à entendre tout à l'heure. Tout à fait opposé, mais c'est un filon du matérialisme. Tout comme il va y avoir un matérialisme végétarien, il va y avoir un matérialisme carnassier, il va y avoir une philosophie chrétienne carnassière, les animaux sont là pour servir les hommes, ou bien une philosophie chrétienne avec par exemple le renouveau protestant dans l'Angleterre des années 1780, avec Bernardin de Saint-Pierre aussi, qui a une philosophie tout inspirée du christianisme, qui vont non seulement s'opposer à la vivisection, mais s'opposer également donc au fait de manger des animaux. Eh bien, je suis content, Pierre Cernac, que vous citiez Bernardin de Saint-Pierre, car c'est un personnage essentiel dans cette histoire que nous évoquons aujourd'hui, qui est l'histoire des relations entre l'animal, la République, la politique de ce temps-là. Bernardin de Saint-Pierre, il faut que vous nous le restituiez, puisque c'est au fond le père d'une conscience écologique. Et je crois qu'un zoom sur ce personnage peut être tout à fait fructueux. Bernardin de Saint-Pierre est une des stars de la littérature, puisque on le connaît au travers de Paul et Virginie. Mais il est surtout le premier intendant général, donc, du jardin des plantes pendant la Révolution, et en 1792, avec la proclamation donc de la République, il en devient le directeur. Bernardin de Saint-Pierre a une idée géniale. alors que le jardin des plantes existe depuis Louis XIII. Le jardin du roi. Le jardin du roi, à côté donc de l'hôpital de la Salpêtrière. Bernardin de Saint-Pierre veut créer une harmonie républicaine. Et pour lui, il faut réunir le minéral, les grandes collections de géologie laissées par les nobles qui ont fui la Révolution. Il faut conserver le végétal, mais il faut aussi amener l'animal. Quels animaux va-t-on prendre? Eh bien, les animaux de la ménagerie de Versailles, qui a été abandonnée depuis le retour du couple royal en octobre 1789. Et Bernardin de Saint-Pierre va inventer non seulement la ménagerie républicaine, va sauver les derniers animaux qui sont en déshérence à Versailles. Il va tenter de faire revenir le rhinocéros qui, hélas, mourra dans le voyage. Mais d'autres animaux parviennent, heureusement, donc au muséum que nous pouvons encore visiter aujourd'hui. Et puis surtout, il invente un parcours et il invente aussi une philosophie de la ménagerie républicaine. Pour rendre hommage à Bernardin de Saint-Pierre, qui le mérite bien, je vous citerai cet extrait de son rapport de 40 pages qu'il a adressé aux députés. « Une ménagerie bien dirigée, dit-il, peut nous donner encore une image de ces antiques relations des animaux avec l'homme. Le cabinet d'histoire naturelle ne nous présente guère que ceux auxquels il a arraché la vie par violence. La ménagerie peut nous montrer, au contraire, ceux à qui il la conserve par ses bienfaits. Cette école, nécessaire à l'étude des lois de la nature, peut devenir intéressante pour celle de la société, et influer sur les mœurs d'un peuple dont la férocité à l'égard des hommes commence souvent son apprentissage par celle qu'il voit exercer sur les animaux. » Là, on est au cœur de la problématique qui est la nôtre ce matin, c'est-à-dire la relation entre la politique, la société et l'idée que l'on se fait des animaux. C'est l'idée même du XVIIIe siècle, de se rendre compte que finalement l'animal est une créature parfaite, alors que l'homme est un être imparfait. Donc, le grand concept des Lumières, au fond, ce n'est pas tant pour créer la raison, c'est la perfectibilité. Et Bernardin de Saint-Pierre croit, avec les autres révolutionnaires, à la grande valeur de l'éducation. Et on entend dire, bien évidemment, que bien traiter et mieux sensibiliser les jeunes classes donc d'élèves à la question animale est une propédeutique essentielle pour notre 21e siècle. Avec déjà cette idée qui peut être assez contemporaine, que maltraiter les animaux, c'est donner un spectacle qui peut contribuer à la brutalité de la société elle-même et des hommes entre eux. Tout à fait, contrairement à un cliché de l'époque que l'on retrouve aujourd'hui, il est bien évident, donc, contrairement à un rousseauisme qui voudrait que l'homme soit innocent, ces gens-là sont persuadés que les enfants livrés à eux-mêmes peuvent être particulièrement cruels avec des animaux. En attendant, Bernardin de Saint-Pierre est tellement persuadé de la valeur de son projet pédagogique qu'il va inventer un couple qui existe. Voïra, le lion, et Hercule, le chien. En effet, ont été offerts au roi de France, Louis XVI, deux animaux, un chien et un lion, qui sont inséparables. Et le chien étant l'animal républicain par excellence, courageux, fidèle, bon et attaché à l'homme, le lion étant l'animal aristocratique par excellence, roi des animaux, noble, sauvage et féroce, Bernardin de Saint-Pierre dit « Vous voyez, nous avons le spectacle vivant de la possibilité de la réconciliation nationale avec ce lion et ce chien qui sont amis. » Il va y avoir des milliers d'estampes à ces circulent, des milliers d'images qui vont circuler en France et dans toute l'Europe, montrant l'amitié de Hercule et Voïra, qui deviennent les deux stars, pourrait-on dire, du jardin, qui devient en juin 1793 muséum d'histoire naturelle et qui existe encore aujourd'hui. Une des façons aussi d'adoucir la cruauté potentielle des bêtes, c'est pas seulement de les associer au quotidien l'une avec l'autre, c'est aussi éventuellement de faire des croisements, puisqu'on envisage à ce moment-là des chiens-lions ou des chiens-tigres. Il s'agit de faire surgir le meilleur des animaux dans des personnages qu'on invente. C'est métaphorique, mais c'est instructif sur des illusions, sur des espérances particulières. Tout à fait, ça repose sur deux aspects. Un aspect politique qui est inventer un animal républicain. Bernardin de Saint-Pierre est persuadé donc qu'on peut inventer un animal républicain, car en tant que scénographe de la ménagerie, il se pose une question que l'on s'est posée à Vincennes il y a à peine quelques années. Comment montrer des animaux sans choquer les spectateurs? C'est une question que l'on s'est posée au début du XXIe siècle, lorsqu'on a réaménagé Vincennes. C'est une question qu'on s'est posée pendant la Révolution. Des citoyens libres ne peuvent pas voir des animaux en cage. Alors, Bernardin de Saint-Pierre dit, bien, ça tombe bien, les animaux paisibles, ce sont les animaux travailleurs et ce sont les animaux républicains. Suivez mon regard vers la vache, le cheval, le mouton. Et donc pour cela, il n'y a pas besoin de barrière. Mais les animaux féroces, ce sont les animaux aristocrates. Cela, on doit montrer qu'on les domine. Et on va les mettre en cage pour montrer que les citoyens ne sont pas effrayés par ces animaux dangereux et qu'on peut enfermer. Donc il y a tout un spectacle politique de la monstration des animaux qui fait qu'on enferme d'autant mieux guépards, lions, loups, par exemple, qu'ils sont des animaux qui représentent la contre-révolution et que les animaux utiles, car c'est important pour cette révolution bourgeoise aussi, ces animaux utiles que sont les moutons et les vaches, on pourra les voir en toute liberté. Et en inventant le spectacle de la vache et du mouton, qui ne sont pas les animaux les plus spectaculaires, je vous le concède, on invente dans le Paris, évidemment, qui est déjà un monstre urbain à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, un nouveau spectacle où les citoyens apprennent en regardant et en même temps, Bernardin de Saint-Pierre imagine un parcours pédagogique où l'on irait des animaux civilisés, c'est-à-dire les animaux républicanisés, aux animaux féroces, c'est-à-dire les animaux sauvages. Nous faites une démonstration, Pierre Cernat, en effet, qu'il y a à cette époque une volonté écologique avant l'heure qui consiste à faire de la ménagerie un espace d'éducation politique et républicaine où on fabrique la cohésion sociale avec la mixité des visiteurs et puis le lieu scientifique aussi qui est sophistiqué au milieu de l'illusion de la nature primitive. C'est d'autant plus vrai que Bernardin de Saint-Pierre a une forte réflexion sur ce qui se passe au même moment, c'est-à-dire l'extension des empires coloniaux. La guerre que se livrent à mort l'Angleterre et la France passe par l'extension des empires coloniaux. Et Bernardin de Saint-Pierre, prenant l'exemple de l'Amérique latine, colonisée par l'Espagne au XVIe siècle, lit de façon très explicite, il l'écrit de noir sur blanc, hein, un, la colonisation est une catastrophe écologique, car il y a eu des espèces d'animaux qui ont été décimées. Déjà, les atteintes à la biodiversité est une catastrophe également au végétal, parce qu'il remarque également que l'exploitation du bois pour construire la marine espagnole a déjà fortement abîmé la forêt d'Amérique latine. Et là, vraiment, on est dans l'actualité, de la façon la plus triste possible. Exactement. Et le troisième élément, c'est bien sûr l'ethnocide indien qui fait que le quart de l'humanité disparaît avec la colonisation. Donc on voit à quel point les questions environnementales qui nous préoccupent aujourd'hui sont déjà liées. Donc il ne faut pas séparer, et Bernardin est un génie pour cela, la question de l'animal, de l'homme, de la nature. Les trois sont liés, l'environnement, l'humain et l'animal. Alors j'en viens, ce sera peut-être une surprise, à une chanson que vous nous avez demandée, Pierre Cernat, et vous nous direz pourquoi. Il pleut bergère, c'est la comptine écrite, comme on le sait, par Fabre d'Églantine, un des inventeurs du calendrier révolutionnaire, une comptine de 1780 qui est interprétée ici par Denise Benoît en 1962. De toute façon, nous aurons plaisir à l'entendre, mais le plaisir va être d'autre part intellectuel tout à l'heure, grâce à vous. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il pleut, bergère, presse tes blancs moutons, allons sous ma chaumière, bergère, vite, allons, j'entends sur le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici, voici l'orage, voilà l'éclair qui luit. Bonsoir, bonsoir ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'amène ma bergère près de vous pour ce soir. Va te sécher, mamie, auprès de nos tisons. Sœur, fais-lui compagnie. Entrez, petit mouton. quelle place ont donc ces petits moutons, Pierre Cernat, dans notre réflexion sur les relations entre l'animal, la République et nous? Elle est colossale. Jusqu'ici, nous avons parlé en bon intellectuel, en bon historien, de l'animal comme étant un objet de réflexion philosophique, un objet de réflexion politique. L'animal, c'est une grosse affaire d'argent. C'est une grosse affaire d'argent aujourd'hui. On le voit dans l'industrie agroalimentaire, on le voit au travers de l'histoire des abattoirs de Chicago, on le voit au travers des start-up californiennes qui investissent tout sur les aliments de substitution pour le véganisme qui monte. À l'époque, c'est déjà une immense affaire économique, les animaux. C'est ça qu'il y a dans cette chanson ? Bien sûr, parce que le mouton est en fait un objet économique essentiel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la France perd des dizaines de millions de livres chaque année pour acheter la laine à l'Angleterre et à l'Espagne. Le mérinos espagnol, le Shetland anglais écrase le mouton français. Et pour les agronomes, vous savez que la grande bataille des années 1780, date d'écriture de cette chanson-là, c'est quel choix veut-on pour l'agriculture française ? Une agriculture céréalière ou une agriculture de prairies artificielles qui développerait l'élevage ? Domaine dans lequel la France est très en retard. Donc derrière cette petite comptine « Il pleut, bergère, rentrez vos blancs moutons », il y a un enjeu essentiel, un enjeu tellement essentiel que pour remercier le roi de France en 1783, donc Charles III, son cousin d'Espagne, lui offre un petit troupeau que la reine Marie-Antoinette va chérir et va dont elle va s'occuper dans sa fameuse bergerie. Et toute l'école de Maison Alfort, qui existe encore, l'école des vétérinaires de Maison Alfort, donc, qui est créée en 1766, mais qui va s'intéresser de plus en plus à l'économie politique, donc au rôle des animaux dans la prospérité française, va en fait se poser la question de savoir mais comment inventer le mouton français ? Et ça va être un des enjeux de la grande commission d'agriculture qui fait partie des grands comités de gouvernement à partir de 1792, lorsque la convention est créée. Donc, nous avons du côté de Maison Alfort, notamment avec un homme remarquable, sous-directeur Gilbert, on va vouloir inventer le mouton français. Et comment va-t-on inventer le mouton français ? Eh bien, on va le placer au haut de l'histoire diplomatique. Lors du traité de Bâle en 1795, qui met fin à la guerre entre la France et l'Espagne, donc un moment où de fin de guerre révolutionnaire, un des codicilles secrets du traité diplomatique... Le mouton est secret. Oui, un des codicilles secrets implique que le roi d'Espagne doit donner à la République française un troupeau de 1000 brebis et moutons reproducteurs à la France. Vous savez que celui qui fait passer un mouton par la frontière des Pyrénées est passible de la peine de mort en Espagne. C'est trésor national. On est loin là de la tradition qui consistait à ce que des souverains envoient des bêtes étranges à leurs cousins, d'autres souverains pour lubrifier les relations diplomatiques. Ah, nous sommes rentrés dans la République bourgeoise de 1795, celle de la Constitution de l'an 3, la République méritocratique qui fait de la propriété, qui fait de l'agriculture, je vous le rappelle, et qui fait de l'industrie avec ce grand ministre de l'Intérieur François de Neuchâteau, donc, qui fait de développement économique la pierre de touche donc de la bonne stabilité de la République. Et voici que Gilbert va partir en Espagne dans une aventure tout à fait rocambolesque, picaresque, pourrait-on dire. L'homme de Maison Alfort. L'homme de Maison Alfort, le sous-directeur de Maison Alfort, pour partir à la recherche de son troupeau de 1000 mérinos. Ça lui permet d'ailleurs d'être tout à fait étonné sur le jeu de la corrida, d'ailleurs, qui l'insupporte grandement. Mais ça lui permet... au péril de sa vie, car de façon dramatique, il attrapera la fièvre jaune et mourra, mais il aura le temps de faire passer son troupeau de l'autre côté des Pyrénées, et voici que la race des Mérinos va naître en 1800 grâce à Gilbert et devenir florissante et enfin donner à la France le mouton français. Il y a aussi cette évolution que vous montrez bien dans vos travaux, Pierre Cernat, c'est vraiment l'évolution des sensibilités, car là on est au cœur des sensibilités collectives. Vous mettez en exergue un épisode que je trouve révélateur qui est tiré de la Décade, qui était le journal quasi officiel du régime du Directoire entre 1795 et 1799, et qui raconte un fait divers dont le lecteur qui écrit a été témoin et l'acteur. C'est le moment où des chevaux, ne parvenant pas à tirer une charge au haut de la rue de la Harpe, se trouvent frappés très très violemment par le charretier, qui se déchaîne à coups de fouet et de bâton sur l'animal. Et voici que surgit tout à coup une nouvelle actrice qui change la face de la scène. C'est une marchande de légumes que, dit l'article, la curiosité avait arrêtée comme beaucoup d'autres, et qui sort tout d'un coup de la foule, dépose sur une borne la hotte qu'elle portait sur son dos, jette, sans proférer un seul mot, ses regards autour d'elle, se saisit d'un pavé qui lui tombe sous la main, fond comme un éclair sur le charretier, lui porte sous le nez le terrible caillou, frappe-le donc à présent, ose le frapper, monstre inhumain. Et tout à coup, la foule prend le parti de la marchande contre le méchant charretier. Cette femme est admirable, manifestement une femme peut-être illettrée, en attendant une femme du peuple, au sens où c'est une femme qui travaille et en fait manifeste. Il y a quand même un spectateur, le seul, bien poudré, bien frisé, qui gourmande notre héroïne, en lui disant « Chacun devrait se mêler de ses affaires. Le cheval appartenait au charretier, il avait le droit d'en faire ce que bon lui semblait, de le tuer même si c'est son plaisir. Ne parviendra-t-on donc jamais à inculquer ces principes à la populace ?» Là, on est vraiment au cœur d'un débat. Ah ben, l'animal-chose. Le débat du statut de l'animal pendant la Révolution, qui est fondamental. Et depuis, bien évidemment. Et cet homme ne fait qu'antécéder sur l'article 528 du Code civil de 1804, qui fait de l'animal, faute de mieux, une chose. Puisque l'animal, donc, est réifié, il est réduit à son statut de propriété, dont celui qui le possède peut faire ce qu'il veut. Donc, on a là, en fait, une grande sensibilité de cette maraîchère, qui, manifestement, n'écoute que son courage, pour s'opposer à la violence, à la maltraitance faite aux animaux. Et de nos jours, on peut dire qu'il y a eu une succession de lois, puisque ça renvoie à la loi Gramont, de 1850, il faut attendre 1850 donc pour qu'une première loi protège les animaux, ou mieux, protège le statut du propriétaire, car on n'a pas le droit de maltraiter les animaux en public, car ce serait en fait aller à l'encontre de son propre bien. On peut le faire en privé. Tout ce que n'interdit pas la loi est possible, donc vous venez de le conclure. Le directoire est un véritable laboratoire d'observation des relations entre les êtres humains et les animaux. Je vous ai parlé de Gilbert, mais il faudrait parler aussi d'expériences végétariennes tout à fait intéressantes. Dans l'atelier de David, il y a en fait tous ceux que l'on appelle les jeunes Grecs, que l'on appelle aussi les barbus, que l'on appelle également les pythagoriciens. Donc, à cause du Pythagore que nous évoquions tout à l'heure, tout à fait, qui est un ancêtre des végétariens, en fait. Et tout à fait, et qui ont décidé, à la mode de leur maître, de rentrer dans les tableaux de David, si vous me permettez cette métaphore, et de vivre comme Pythagore, et refusent donc de manger des animaux. Mais on a aussi une petite colonie d'Anglais républicains, d'Américains républicains, pendant la Révolution. Ils vont beaucoup influencer donc le premier mouvement végétarien. Je pense à Sans-culottes fervent, Oswald, écossais, fervent militant, et qui lui-même va écrire un texte, hélas, jamais traduit en français, The Cry of Nature, le cri de la nature, donc, dans lequel il explique que depuis qu'il est allé en Inde, car l'Inde va avoir une influence considérable sur le mouvement végétarien de la fin du XVIIIe siècle. On n'y mange pas les vaches, comme on sait. On ne mange pas donc les vaches ni d'autres animaux. Depuis qu'il est allé en Inde, il a découvert une nouvelle philosophie de vie qu'il a décidé d'appliquer pour lui-même. C'est le même moment où, à la Bibliothèque nationale, c'est à ce moment-là que l'on crée la classe des langues orientales et la classe d'histoire de l'Inde, avec les grandes traductions des textes fondamentaux de la culture religieuse hindouiste traduits par Langevinet. C'est le temps aussi, ce tournant du siècle, du 18e vers le 19e, où survient ce que vous appelez la catastrophe racialiste de 1802. Mais 1802, c'est aussi le temps où l'Institut, le jeune Institut de France, lance un concours dont vous avez fait émerger les résultats, une vingtaine de dissertations qui sont très éclairantes sur la sensibilité d'une époque, au moment où le siècle commençant hésite entre la tradition que nous avons évoquée et les effets éventuellement brutaux de la civilisation industrielle commençante. J'ai eu la chance de pouvoir développer donc et de trouver à l'Institut, dans les manuscrits de l'Institut, 27 dissertations donc qui évoquent directement donc cette question-là. Alors que disent vos concurrents ? Alors, ils répondent à deux questions. En quoi est-ce une barbarie ? Et le mot est fondamental, hein ? Barbarie. En quoi est-ce barbare d'infliger de mauvais traitements aux animaux ? Première question. Et deuxième question, qui est d'une modernité tout à fait incroyable par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous enseignent les juristes, c'est en fait, faut-il légiférer en faveur des animaux ? Eh bien, cette question est posée en 1802, avec une précocité tout à fait remarquable, par la deuxième classe, la classe de morale des sciences politiques de l'Institut. Comme par hasard, on retrouve dans cette classe-là Bernardin de Saint-Pierre, l'abbé Grégoire, La Revellière Lépeau, le fameux républicain qui a développé le culte de la théophilanthropie. On retrouve toute une philosophie déiste ou une philosophie néo-chrétienne, en attendant, qui s'intéresse aux animaux. Alors, dans la plupart de ces dissertations... L'Académie était, disons, moins conservatrice qu'aujourd'hui. Ah, elle était l'Institut de France était d'une modernité tout à fait remarquable. Dans ces dissertations, au fond, il y a une seule dissertation qui tranche, mais toutes les autres, en fait, imaginent que, un, l'animal est un être sensible. Donc là, c'est acquis. L'animal est un être sensible. Deux, il revient à la pédagogie républicaine d'éduquer les enfants pour qu'ils ne soient pas cruels. Donc là, il y a un projet pédagogique qui doit engager donc toute la République. Troisièmement, j'ai été surpris par la place des penseurs chrétiens, c'est-à-dire de la philosophie chrétienne, de ceux qui, en pleine République, disent « mais un renouveau chrétien, une relecture des évangiles doit nous permettre de sortir du traumatisme de la guerre civile, quand même, hein, qu'a été le moment du gouvernement révolutionnaire, puis la terreur, donc, pour réconcilier, en fait, recréer une harmonie entre hommes et animaux et cesser une culture du sang qui nous a absolument traumatisé. À côté de cette avancée tout à fait essentielle, 1802 est une histoire d'une grave régression dans l'histoire du droit français, puisque en 1794, la Convention abolit l'esclavage, et en 1802, hélas, Bonaparte rétablit l'esclavage. Or, on a besoin d'une légitimation scientifique, on a besoin d'une caution, en fait, pourrait-on dire médicale, pour, en fait, légitimer ce qui est une régression du droit. L'histoire de l'esclavage est intimement liée, de fait, à l'histoire des relations entre l'homme et les animaux, l'idée qu'il se fait des animaux, avec en particulier l'apparition aussi des grands singes et tout ce que cela autorise du côté des esclavagistes, c'est pour cela que ça leur permet d'imaginer une sorte de hiérarchie. Les blancs seraient supérieurs intimement aux noirs. C'est exactement pour cela que je parle de catastrophe racialiste. C'est-à-dire que à partir de 1802, on va voir tout un mouvement de médecins qui vont légitimer l'idée d'une hiérarchie des races au nom même de l'acquis de la philosophie des Lumières. Les médecins disent « mais c'est vous qui avez construit justement une hiérarchie qui irait de l'homme au singe ». Et on a donc ce personnage, Joseph-Julien Viret, dans son « Histoire des espèces » en 1801, écrit cette phrase absolument épouvantable, mais qu'il va disserter, ou du moins qu'il va utiliser pendant 3 volumes. « L'Africain est à l'Européen ce que le singe est à l'homme ». Avec des prétendues analyses morphologiques. Tout à fait. Donc, on détourne en fait des images, des faciès. On commence à utiliser le triangle donc facial qui va de l'oreille donc à l'arcade sourcilière au nez, et donc pour prétendre en fait une sorte d'infériorité que l'on ne qualifie pas encore de génétique des Africains, mais qu'on utilise pour dire que, de façon civilisationnelle, les peuples africains, et surtout les Hottentots, et surtout les Cafres, et surtout les Pygmées, sont beaucoup plus proches des populations simiesques que des Européens. Chez le nègre, écrit-il, le front se recule et la bouche s'avance, comme s'il était plutôt fait pour manger que pour réfléchir. Ceci se remarque à plus forte raison dans les bêtes, leur museau s'avance, comme pour aller au-devant de la nourriture. Leur bouche s'agrandit comme si elle n'était née que pour la gloutonnerie. Donc c'est l'aspect extrêmement sombre de cette évolution des sensibilités que marque la Révolution française c'est et la suite. C'est exactement cela, ce qui aurait pu être une merveille de la découverte et de la révolution des sciences naturelles dont je vous parlais, c'est-à-dire rapprocher l'homme de l'animal de façon positive, va se transformer en catastrophe et on va utiliser en réalité ce rapprochement pour dire « Eh bien, justement, les Africains sont dans un tel retard civilisationnel qu'ils vivent dans plus proche des singes que des êtres humains. » Et comme d'habitude, comme de coutume, les trois stigmates les plus frappants de la fin du XVIIIe siècle, l'argent, le genre et la couleur de peau, vont s'abattre sur l'être le plus misérable de cette civilisation, c'est-à-dire la femme noire, que l'on soupçonne de lubricité dans un fantasme typique et qui est encore, hélas, encore de nos jours à l'œuvre. Je voudrais que nous avancions, Pierre Cernat, dans le 19e siècle pour montrer l'ambivalence de cette période. Certains déjà, à la suite de Mercier, à la fin du 18e, s'indignent par exemple de la manière dont s'organisent les abattoirs. Écoutez donc cet extrait du film de Georges Franju, un documentaire célèbre de 1949 qui s'appelle « Le sang des bêtes ». Et vous verrez que cela fait exactement écho à des déclarations, à des citations, à des textes de Louis-Sébastien Mercier par exemple. Dans l'ambiance assourdissante des treuils pneumatiques, les tueurs et ouvriers des chaudoirs travaillent entourés des vapeurs grises du sang des bêtes. Pour être dépouillé, le mouton est boxé. Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, a dit Baudelaire. Sans colère, sans haine, et avec la simple bonne humeur des tueurs qui sifflent ou chantent en égorgeant. Parce qu'il faut bien manger chaque jour et faire manger les autres au prix d'un très pénible et souvent dangereux métier. Je rappelle qu'on est là avec Franju en 1949, c'est-à-dire longtemps avant les protestations contemporaines, sur un certain nombre de procédés d'un certain nombre d'abattoirs. Et c'est tout à fait intéressant, car ce qui est un documentaire donc instructif montre des images qui seraient de nos jours tout à fait insoutenables. Ce qui montre que les sensibilités ont une culture et aujourd'hui, au contraire, les quelques vidéos qui ont pu circuler sur Internet montrent à quel point nous sommes scandalisés, nous sommes horrifiés dans le spectacle donc de l'abattage de certains animaux. Mais cette question de l'abattage des animaux est une question lancinante pour les hommes des Lumières. Par exemple, Mercier, dans l'an 2440, donc un rêve s'il en était, qui imagine une utopie parisienne, donc au début des années 1780, imagine une ville avec des trottoirs, Paris n'a pas de trottoirs, une ville sans chevaux, car les chevaux sont très dangereux, donc, et une ville sans boucherie, c'est-à-dire une ville où le sang ne coule pas. Car il faut bien imaginer que le Paris, par exemple, de 1780, mais également le Paris de la Révolution, est un Paris à l'intérieur duquel les bouchers, et c'est leur privilège d'ailleurs, achètent au marché de Poissy les animaux sur pattes. Ce texte de Mercier annonce tout à fait des indignations contemporaines. Écoutez donc ce qu'il dit. Un jeune bœuf est terrassé et sa tête armée est liée avec des cordes contre la terre. Une lourde massue lui brise le crâne. Un large couteau lui fait au gosier une plaie profonde. Son sang qui fume coule à gros bouillons avec sa vie. Des bras ensanglantés se plongent dans les entrailles fumantes. Un soufflet gonfle l'animal expiré et lui donne une forme hideuse. Ses membres partagés sous le couperet vont être distribués en morceaux, et l'animal est tout à la fois enseigne et marchandise. C'est exactement ce que l'on voit 150 ans après dans le film de Franju dont nous venons de parler et dans les vidéos qui circulent aujourd'hui sur Internet. Mercier ne supporte pas ces scènes de sang et il pense qu'elles dégradent les êtres humains, et surtout qu'elle dénature tous ceux qui peuvent les voir, notamment les enfants. À ce propos, je voudrais dire qu'il n'y a pas que les animaux maltraités. On le sait également, à l'heure actuelle, dans les abattoirs, le lieu de l'échaudoir, c'est-à-dire le lieu où l'on égorge les animaux, où on les tue, c'est le lieu le plus secret, le moins visible de l'abattoir. D'où le débat sur l'éventualité d'installer des vidéos, des caméras. Oui, ce qui pose d'autres problèmes, non seulement bien évidemment, elles sont nécessaires pour bien vérifier que les animaux sont réellement morts quand on les dépèce, car on sait qu'un animal sur 5 ou un animal sur 6, si je ne me trompe, n'est pas tout à fait mort lorsqu'on commence à le dépecer. Comment connaissez-vous ces chiffres ? Ce sont des chiffres qui ont été donnés par l'association L214, donc, qui travaille sur la maltraitance animale. Pourquoi s'appelle-t-elle L214 ? Bien, tout simplement parce que depuis 1976, dans le code rural, finalement, la sensibilité de l'animal a été reconnue donc, comme étant un fait inscrit dans le code rural. Alors ça, c'est intéressant, l'évolution des lois à cet égard. Et il faut que nous arrêtions un instant sur la fameuse loi Gramont. C'est un général qui l'a fait adopter au moment où, des débuts de la présidence de la République de Louis-Napoléon, 1850. Gramont est un général de cavalerie. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il sait ce que veut dire faire crever un cheval sous lui. Et il ne supporte pas les souffrances inutiles infligées aux animaux, qui, dans la révolution industrielle qui pointe dans la France de 1850, sont des travailleurs de force de première importance. Quelle que soit la place des machines dans la révolution industrielle, pas de révolution industrielle sans animaux qui poussent, tirent, portent des charges tout à fait importantes. Donc, Gramont propose en fait de punir de façon pénale, et c'est tout à fait important, surtout les charretiers, surtout les cochers qui sont connus donc pour brutaliser les chevaux, donc les malmener. Il y a donc de la part de Gramont la volonté d'inscrire dans le code pénal, par le jeu de peine et d'amende, l'interdiction sur l'espace public de maltraiter des animaux. Cette question de la publicité est de grande importance, parce que l'on retrouve la question de l'influence éventuelle de cette brutalité sur les âmes, et parce que d'autre part, on estime que ces animaux, qui sont la propriété de ceux qui en ont la responsabilité, puisqu'ils leur appartiennent, on peut en faire ce qu'on veut dans le privé. Oui, d'une certaine façon, le droit avance par zigzag et les juristes même le reconnaissent. Le fait de montrer que on dénonce dans le public les violences, ça fait prendre conscience que l'on ne doit pas aussi les commettre dans le privé. C'est une façon de procéder du juriste qui est bien souvent subtile et qui permet de comprendre que quand on n'obtient pas tout dans une loi, on permet une avancée de réflexion. La loi Gramont en est l'exemple même. Et le droit, donc, la réforme est parfois également contradictoire et il faut parfois brusquer la réforme pour aller plus loin. Je vous donne deux exemples. En 1951, donc au XXe siècle, 100 ans après la loi Gramont, pour nous approcher de notre actualité, mais une loi qui est tout à fait fondamentale, on reconnaît à la corrida, par exemple, et au jeu avec les animaux, leur valeur au nom de leur aspect culturel et de leur aspect traditionnel. Et vous le savez, les aficionados de corrida, justement, s'ils peuvent justifier de non-coupure temporelle, donc les historiens sont mis à contribution, du fait que les arènes ont toujours été utilisées, peuvent continuer en France, aujourd'hui, le spectacle de la corrida. Les combats de coqs sont également au même chapitre ? Oui, mais pour le coup, là, ils sont de plus en plus réglementés par la police municipale. Quand le droit ne le peut pas, le maire peut agir. Mais en 1957, donc 6 ans plus tard, donc, le législateur, donc, cette fois-ci, avance et reconnaît que les animaux ont droit au bien-être. Il y a d'autre part une date très importante, c'est la Déclaration universelle des droits de l'animal, telle qu'elle a été proclamée par l'UNESCO le 15 octobre 1978. Elle est lue ici par Jérôme Kircher sur France Culture en février 2006. Déclaration universelle des droits de l'animal. Article 1er. Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus. Article 2. Toute vie animale a droit au respect. Article 3. Petit 1. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. Petit 2. Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse. Petit 3. L'animal mort doit être traité avec décence. Article 4. Petit 1. L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s'y reproduire. Petit 2. la privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisirs, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit. La Déclaration universelle des droits de l'animal a été proclamée solennellement à Paris le 15 octobre 1978 à la maison de l'UNESCO. Elle marque une avancée forte, même si elle n'entraîne pas une obligation pour les pays concernés. En particulier, on va jusqu'à interdire la pêche à la ligne, si je comprends bien. D'une certaine façon, oui, si on lit le texte dans sa littéralité, c'est quelque chose vers lequel on peut se diriger. Vous savez que beaucoup d'auditeurs qui pêchent à la ligne tout en nous écoutant, ça me préoccupe. Oh, mais ils peuvent continuer à pêcher s'ils décrochent l'hameçon et qu'ils relâchent le poisson. On peut l'accepter. N'oubliez pas quand même que la chasse a été une des plus grandes conquêtes démocratiques de la Révolution. Vous vous souvenez du rôle du sénateur communiste Maxime Grémetz qui défendait la chasse au nom de la démocratisation pour tous les citoyens d'être armés et de pouvoir tirer sur le gibier qui quand même parfois abîme les plantations. Un dernier mot tout de même, si vous me le permettez. Je vous en prie. Il n'y a pas de droit des animaux sans droit des humains. Il faut les penser ensemble. Il n'y a pas de partie des animaux sans penser à tous les êtres humains opprimés. Je crois que la question sociétale de l'animal ne doit pas cacher la question sociale des inégalités et des dominations. L'animal est un dominé comme d'autres humains sont dominés. C'est comme d'autres espaces naturels sont dominés. C'est en pensant ensemble ces dominations injustes que l'on pensera et que l'on arrivera à un monde meilleur. Je pense que vous souhaitez, Pierre Serna, que ce soit votre conclusion. Donc nous nous en tenons là. Merci. Merci d'être venu à ce micro. Votre livre, Pierre Serna, sur lequel nous avons fondé cette émission, s'appelle « Comme des bêtes, histoire politique de l'animal en révolution », paru chez Fayard en 2017. Je citerai également votre autre ouvrage qui s'appelle « L'animal en République, Genèse du droit des bêtes, 1789-1802 » chez Anacharsis, 2016. C'est une analyse du concours de 1802 que nous avons évoqué « Chemin faisant ». Et puis, tout récemment, vous publiez une étude sur les cahiers de doléances de 1789 sous le titre « Que demande le peuple ?» paru chez Textuel en 2019. Hommage enfin aux juristes, à Jean-Pierre Marguénot, Florence Burga, Jacques Leroy, qui ont publié un livre intitulé « Le droit animalier » aux presses universitaires de France en 2016. Vous trouverez une bibliographie plus complète sur notre site, sur la page de Concordance des temps à France Culture, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter, vous le savez, et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous serons en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et nous parlerons avec Michel Pastoureau du sujet suivant, le jaune, couleur du doute. Je vous laisse imaginer pourquoi j'ai fait ce choix. La semaine prochaine, je précise que Xavier Mauduit, dans son émission neuve, Le cours de l'histoire, abordera l'histoire de l'exploration des grandes découvertes. Sur le fond d'une chanson de Bob Dylan qui s'appelait « Les hommes ont donné des noms à tous les animaux », une chanson de 1979, je traduis de l'anglais, je vous rappelle que vous venez d'entendre l'émission « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Domiti de Gavrilov et par Claire Poinsignon, une émission réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la technique Alexandre Dang, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique de Saint-Pastou. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour Affaires étrangères. I think I'll call it a cow.